Ok. Basané, basané, alibi, alibi, ok, ok. 93. La distrib, penta. Ouais, ouais. On livre tous sa petite guerre, je les aurai. On livre tous sa petite guerre, je les aurai. On livre tous sa petite guerre, je les aurai. On livre tous sa petite guerre, je les aurai. Du basané dans les oreilles, désolé, t'as un t-shirt à essorer. Hey, la foi c'est ce qui fait de nous des hommes. Ça me désole, c'est le désordre, la justice, juste des offres. Les démons résident, là où la résine nous résonne. À force de gratter le sol, tu le trouveras le trésor. Je me dois de rester sobre et de pisser sur la flamme. Viser le jardin d'Éden avec mes gosses et ma femme. J'aime la vie, elle est belle mais elle aggrave mes plaies. J'en aurais profité si le blé me le permettait. L'ami, j'ai cherché la vie de rêve, j'ai trouvé la migraine. Immigré, le perle, moi j'sais pas pour qui ils me prennent. Bref, l'armistice crève là où l'injustice crève. Je traîne un peu partout sans m'égarer dans l'ivresse. Frère, beaucoup nous freinent, mais moi aussi j'aurai ma place. Alors où la corruption s'étend partout sur la place. 93, t'as les bouffes que des missiles, des sauvousses, des cas, des mecs recherchés, pire qu'Al-Qaïda. 93, un télébile, basané, alibi, la rue abîme, la jeunesse au cannabis à la bibi. 93, basané, alibi, Montana, plat, les pavanes, insolites en cabane. 93, t'as les bouffes que des missiles, des sauvousses, des cas, des mecs recherchés, pire qu'Al-Qaïda. Tu veux quelle formule? La tranquille ou la racaille, moi je suis plutôt thug, si t'as peur, vas-y taille. Mec tu patines, appelle-moi un patine. Alibi sur le beat, c'est comme Tyson sur le ring. Et je fais du mal, quand j'arrive ça découpe. Ils avaient peur de mon album, ces putes m'ont mis sur écoute. Je veux de l'illégal, de la rime illicite. T'aimes les voyous, petite salope, ça t'excite. Indépendant, je porte le drapeau. Putain mec t'as pas de peau, je suis nué pour les vapeaux. 1260, ça fait des années. Pourtant mec, je dis que l'état là avec les basanés. Tu veux la formule, coup de pression. De la Courneuve à Spa, menace crew de tension. 93, département de Guedin. Chez nous y'a tous les business, c'est interdit au putain. 93, t'as les bouffes que des missiles, des sauvousses, des cas, des mecs recherchés, pire qu'Al-Qaïda. 93, indélébile, basané, alibi, la rue abîme, la jeunesse au cannabis, à la bibi. 93, basané, alibi, Montana, plat, les pavanes, insolites en cabane. 93, t'as les bouffes que des missiles, des sauvousses, des cas, des mecs recherchés, pire qu'Al-Qaïda. J'allie pas mon nom. Tu sais ce qu'il en est, je mets pas mon cœur dans les mains d'une putain. Non mais, tu croyais quoi qu'on était mort, mais je t'assure qu'on est encore là, que les purages ne sont pas encore nés. Je donne plus cher de vivre, je tombe pas dans le verre pour faire le vide, on se perd pendant que le visage de mon père se ride. J'ai pas ma part, je retournerai c'est les terres, vais ce qu'il est patate, le placard et les emplois précaires. J'évite les judas, la drogue durée et blabla. Je laisse les paranoïdes dormir, la plaquette sous le matelas. Cruel, combien de suspects usuels, reste prudent. Truand, il tue la brute et le bon il tue le truand. C'est l'épidémie, par ici, les par les chiffres. Tu peux pas compter sur lui, le hall ne fera pas régime. Un peu de résine, juste de quoi perdre la raison. Pas année affiché wanted au-delà des murs de la région. 93, t'as les bouffes que des missiles, des sauvousses, des cas, des mecs recherchés, pire qu'Al-Qaïda. 93, indélébile, basané, alibi, la rue abîme, la jeunesse au cannabis, à la bibi. 93, basané, alibi, Montana, plat, des pavanes, insolites en cabane. 93, t'as les bouffes que des missiles, des sauvousses, des cas,